Histoire d'une fourniture de bœuf salé. Étude de mœurs américaines par Mark Twain. Je crois devoir soumettre à l'appréciation de mes concitoyens, en termes aussi brefs que possible, un compte-rendu de certains événements auxquels je me suis vu mêlé d'une façon assez singulière. L'histoire dont il s'agit a causé d'ailleurs une certaine émotion dans le public et donné lieu à des controverses qui ont rempli de commentaires, plus ou moins absurdes, les journaux des deux continents. Voici le point de départ de cette fâcheuse affaire, dont l'exactitude pourrait être prouvée au besoin par divers documents officiels émanés du gouvernement général de l'Union. John Wilson Mackenzie de Rotterdam, province de Chemung, État de New Jersey, actuellement décédé, avait, le 10 octobre 1861, ou vers cette date, passé un marché avec le gouvernement des États-Unis pour la fourniture de 30 barils de bœuf salé destinés à l'armée du général Sherman. Ceci paraît tout simple, mais lorsqu'il s'agit de livrer la fourniture, le général avait quitté Washington pour se rendre à Manassas. John Wilson voulut l'y rejoindre avec ses barils, mais il arriva trop tard. Sherman était parti pour Nashville, de Nashville pour Chattanooga et de Chattanooga pour Atlanta. Arrivé dans cette dernière ville, John repartit avec une nouvelle ardeur, espérant rattraper son client au moins sur le rivage de la mer. Cette fois encore, il se trouva en retard de quelques jours. Ayant appris que Sherman avait dû s'embarquer sur le Quaker City pour la Terre Sainte, il partit lui-même pour Beyrouth, toujours escorté de ses barils, comptant bien dépasser le navire qu'il poursuivait. En arrivant à Jérusalem, il acquit la certitude que le général n'avait jamais mis le pied sur le Quaker City, mais qu'il était allé en expédition contre les Indiens des prairies. Il retourna donc en Amérique, puis dirigea sa marche vers les montagnes rocheuses. Après 68 jours d'un pénible voyage à travers les prairies, alors qu'il se trouvait à 4 000 environ du quartier général de Sherman, le pauvre Wilson succomba sous le tomahawk des Indiens qui s'emparèrent du bœuf salé après avoir scalpé le fournisseur. Toutefois, un seul baril, qui avait échappé au pillage, fut pris par les soldats de Sherman, en sorte que par le fait, Mackenzie put remplir partiellement son contrat, même après sa mort. Dans son testament, rédigé par lui en forme de journal, il léguait sa créance à son fils Barthélemy. Ce dernier, avant de mourir, rédigea ainsi son compte. « Le gouvernement des États-Unis doit à John Wilson Mackenzie, décédé, 30 barils de bœuf salé destinés au général Sherman à $100 le baril, soit $3 000, frais de voyage et transport $14 000, total $17 000. » Lorsque le fils de Jay Wilson fut mort, la créance passa entre les mains de W. Martin, qui mourut aussi avant d'avoir pu le recouvrer en la léguant à Barker Allen. Anson Rogers, ayant hérité de ce Barker, fit des démarches pour être remboursé. Mais la mort vint le frapper lorsqu'il n'avait encore vu que 9 bureaux de contrôle. Un de ses parents du Connecticut, nommé Hopkins, lui succéda et mourut au bout d'un mois environ, après être arrivé jusqu'au 12e bureau. Il légua la créance à l'un de ses oncles, Joyeux Johnson. Le malheureux n'était pas de force pour une pareille lutte. Ses dernières paroles furent « Ne pleurez pas sur moi, j'aime mieux m'en aller ». Cette autre personne héritèrent du fameux comte et partagèrent le sort de leur prédécesseur. Enfin, l'un de mes parents, Bethlehem Hubbard, d'Indiana, avec lequel j'avais été longtemps brouillé, me fit appeler à son lit de mort, se réconcilia avec moi et me remit en pleurant le titre de créance du bœuf conservé. Voilà où en était l'affaire lorsqu'elle vint à m'échoir. Je vais exposer maintenant quelles furent pour moi les conséquences de cet héritage et de quelle manière je m'acquittais de mon rôle. Je partis donc avec mon compte de fourniture et de frais de voyage, et j'allai trouver le président des États-Unis. « Que demandez-vous, monsieur ?» me dit-il. « Sire, » répondis-je, « John Wilson Mackenzie de Rotterdam, province de Chemung, État de New Jersey, actuellement décédé, avait passé vers le 10 octobre 1861 un marché avec le gouvernement pour la fourniture de 30 barils de bœuf salé destiné à l'armée du général Sherman. Ici, le président m'arrêta court et me congédia poliment, mais avec fermeté. Le lendemain, j'allai trouver le secrétaire d'État qui me dit « Vous désirez, monsieur ?»« Altesse royale, Vers le 10 octobre 1861, John Wilson Mackenzie de Rotterdam, province de Chemung, État de New Jersey, actuellement décédé, avait passé un marché avec le gouvernement pour la fourniture de 30 barils de bœuf salé destinés à l'armée du général Sherman. « Parfaitement, monsieur, parfaitement. Mais mon service ne comprend nullement les fournitures de bœuf conservées. » J'étais éconduit. Pensant m'être trompé, je me présentai le lendemain chez le secrétaire de la marine. « Parlez vite, me dit ce personnage, mon temps est compté. » « Altesse royale, vers le 10 octobre 1861, le gouvernement avait passé un marché pour la fourniture de 30 barils de bœuf salé destinés à l'armée du général Sherman avec « impossible d'aller plus loin ». Le secrétaire de la marine n'avait rien à démêler avec le général Sherman ni avec les marchés. Je commençais à trouver que nous avions un drôle de gouvernement, qui m'avait bien l'air de ne pas payer ses dettes. J'allais donc cette fois chez le secrétaire de l'intérieur. Altesse impériale, vers le 10 octobre 1861, « Cela suffit, monsieur. J'ai déjà entendu parler de vous. Sortez d'ici avec votre affreux compte de bœuf salé. Le département de l'intérieur n'a rien à voir aux subsistances de l'armée. » Je sortis, mais j'étais exaspéré. Je résolus du moins de harceler tous les bureaux de cet inique gouvernement jusqu'à ce que l'affaire fût réglée ou de périr dans la lutte comme mes prédécesseurs. Je m'attaquai au directeur général des postes, j'assiégeai le département de l'agriculture, je tendis des embûches au président de la Chambre des représentants. Aucun d'eux ne s'occupait de la question des vivres. Je me précipitai chez le commissaire des adjudications. « Auguste Excellence, lui dis-je, vers le 10, damnation! Vous en irez-vous d'ici avec votre scélérat de fourniture à la fin? Je vous dis, monsieur, que les subsistances ne nous concernent nullement. » Tout cela est bel et bon, mais enfin il faut pourtant que ce bœuf salé soit payé par quelqu'un. Je veux être payé de suite, ou bien je fais saisir votre vénérable boutique et tout ce qu'il y a dedans. Mais, mon cher monsieur, je n'en demanderai pas. Selon moi, le bureau des adjudications est responsable de cette fourniture. Responsable ou non, j'entends qu'il me fasse payer. » Cette discussion finit par dégénérer en une scène de pugilat, dans laquelle le bureau des adjudications fut le plus fort, mais d'où je pus encore tirer un renseignement. On me déclara nettement que je ne devais pas adresser ma réclamation ailleurs qu'au trésor public. J'y courus. Après 2 heures et demie d'attente, on m'introduisit chez le premier lord trésorier. « Très noble et respectable seigneur, » dis-je en m'inclinant, « vers le 10 octobre 1861, John Wilson Mac... »« Il suffit, monsieur. On me parlait de vous. Allez trouver le premier auditeur du trésor. » Je m'empressai de me rendre chez le premier auditeur qui me renvoya au second, le second me renvoya au troisième, le troisième m'adressa au premier contrôleur de la division du bœuf salé. Cela commençait à devenir un véritable travail. Le premier contrôleur examina ses livres et ses dossiers, sans trouver trace de ma fourniture, et me renvoya au second. Celui-ci fouilla livre et dossier sans plus de succès que son collègue. C'était encourageant. Dans le courant de la même semaine, j'allai jusqu'au 6e contrôleur. La semaine suivante, j'étais au bureau des réclamations, et 8 jours après, je sortais du bureau des affaires égarées pour entrer dans celui des comptes périmés. Celui-là ne me prit que 3 jours. Il ne me restait plus qu'un recours, le bureau des affaires diverses. J'allais trouver le chef, ou plutôt ses employés, car ce fonctionnaire n'y était pas. Dans la pièce où je pénétrais, une 15aine de dames jeunes et jolies écrivaient sur des livres sous la direction de 7 jeunes employés de bonne mine. Les dames souriaient par-dessus leur épaule, les employés souriaient derrière elles, et tous étaient gais comme dans un dîner de noces. 2 ou 3 de ces messieurs qui étaient en train de lire leur journal me regardèrent avec méfiance, et continuèrent leur lecture au milieu du silence général. J'avais heureusement été accoutumé à ce genre de réception dans mes précédentes visites, depuis la division du bœuf salé jusqu'au bureau des comptes périmés. J'avais même acquis une telle habitude que je pouvais me tenir sur un seul pied depuis le moment où j'entrais dans un bureau jusqu'à ce qu'un employé daigna me parler, sans changer de pied plus de 2 ou 3 fois. Après une attente assez pénible, je m'adressai à l'un des employés qui lisait. « Illustre vagabond, lui dis-je, où est le grand Turc ?»« Que désirez-vous, monsieur ? Qui demandez-vous ? Si c'est le chef de bureau, il est sorti. N'est-il pas dans son harem ?» Le jeune homme lança sur moi un regard foudroyant et se mit à lire son journal. Moi qui connaissais les habitudes de ces messieurs, je compris que j'étais sauvé, s'il pouvait finir les deux journaux qu'il restait avant l'arrivée d'un autre courrier de New York. En effet, lorsque sa lecture fut terminée, il bâilla longuement et me demanda ce que je désirais. « Vers le 10 octobre, vous êtes l'homme à la fourniture de bœuf salé. Donnez-moi vos papiers. » Je m'empressai de les lui remettre, et pendant une bonne demi-heure, il feuilleta ses affaires diverses. Enfin, je vis qu'il avait trouvé le dossier du Nord-Ouest et les pièces relatives à la fourniture du bœuf salé, ce rocher sur lequel mes prédécesseurs avaient tous échoué successivement. J'étais profondément ému, et dans l'explosion de ma joie, je lui dis « Donnez-moi cela, je vous prie. Le gouvernement ne peut plus refuser le paiement de ma créance. » Il me tourna le dos en me faisant observer qu'il restait encore quelques formalités à remplir. « D'abord, me dit-il, où est ce J. Wilson Mackenzie ?»« Il est mort. » »« Quand est-il décédé ?»« Il n'est pas décédé positivement, il a été tué. » »« De quelle manière ?»« Assommé à coups de tomahawk. » »« Qui est-ce qui l'a assommé ainsi ?»« Un Indien, naturellement. » »« Vous ne supposez pas que ce soit un maître d'école ?»« Non. » »« Quel était cet Indien ?»« Un peau rouge. » »« Le nom de ce peau rouge ?»« Son nom, je l'ignore. » »« Il nous faut son nom. » »« Qui a vu assommer ce Mackenzie ?»« Je ne sais pas. » « Vous n'assistiez donc pas à sa mort ?»« L'état de conservation de ma chevelure en est la preuve, je n'y étais pas. »« Alors comment savez-vous qu'il est mort ?»« Parce qu'il est évident qu'il a dû mourir aussitôt des suites de ses blessures. En fait, j'en suis certain. »« Il nous faut des preuves. Avez-vous retrouvé l'Indien ?»« Pas précisément. »« Il nous le faut. Avez-vous retrouvé le tomahawk ?»« J'avoue ne pas m'être occupé de ce détail. »« Nous avons besoin du tomahawk et de l'Indien qui le portait. »« Si vous pouvez apporter ces preuves du décès de Mackenzie, » vous serez alors à même de soumettre votre cas à la commission chargée des affaires litigieuses. Vous aurez ainsi quelque chance d'arriver à ce que vos enfants puissent un jour recevoir la somme dont vous réclamez le paiement. Toutefois, je crois pouvoir affirmer que le gouvernement ne paiera jamais les frais de transport et de voyage avancés par l'infortuné Mackenzie. On vous remboursera peut-être le prix du baril recueilli par les soldats de Sherman si le Congrès se décide à voter des fonds pour cette dépense. Mais vous ne devez garder aucun espoir quant aux 29 barils pillés par les Indiens. Alors on me devra 100 $ et encore ce n'est pas sûr. Voilà donc le résultat des pérégrinations de Mackenzie à travers les deux mondes. Voilà la récompense de ses tribulations et de ses fatigues. Et le prix des efforts de tous ces malheureux qui ont essayé de recouvrer sa créance. Jeune homme, pourquoi le premier contrôleur de la division du bœuf salé ne m'a-t-il pas dit cela tout d'abord ? Il ne pouvait rien vous dire sans connaître la valeur de votre réclamation. Pourquoi, dans ce cas, le second et le troisième contrôleur ne me l'ont-ils pas dit ? Pourquoi ne m'a-t-on pas averti dans les bureaux et les divisions où je me suis adressé ? Personne ne le pouvait. Ici, tout se fait par la routine. Vous l'avez suivi et l'on vous a fourni le renseignement que vous demandiez. C'était la meilleure marche à suivre et même la seule. Nous opérons avec régularité, avec lenteur, mais en toute certitude. Oui. La mort de Mackenzie aussi est certaine, malheureusement, pour notre famille. Je crains bien de ne pouvoir réussir mieux que lui. Jeune bureaucrate, vous aimez cette ravissante créature aux yeux bleus qui a sa plume sur l'oreille, je le vois, à vos regards amoureux. Vous voudriez l'épouser, mais vous êtes sans fortune. Donnez-moi votre main. Voici la créance du bœuf salé. Prenez-la et soyez heureux. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Voilà toute la vérité sur la créance Mackenzie, dont on a tant parlé dans le public. L'employé auquel je l'avais donné est mort depuis, et je ne sais pas autre chose de ce qui se rattache à cette affaire. La morale de cette histoire est celle-ci. Un homme qui vivrait assez longtemps pour suivre une affaire à travers les circonlocutions des bureaux de Washington pourrait constater, après bien des peines et des retards, ce qu'il aurait vu dès le premier jour si les administrations de Washington fonctionnaient aussi intelligemment que la première maison de commerce venue. Ainsi s'achève l'histoire d'une fourniture de bœuf salé par Mark Twain.